The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Citizen. Le citoyen. Revolution. La révolution. Bastille. La Bastille. The people. Le peuple. To put an end to. Mettre fin à. Nobility. La noblesse. Clergy. Le clergé. Wealth. Les richesses. Shared. Partager. To join. Rejoindre. To fight. Se battre. Weapon. L'arme. Now, a bit faster. The people. Le peuple. Clergy. Le clergé. Nobility. La noblesse. Weapon. L'arme. Bastille. La Bastille. To join. Rejoindre. Shared. Partager. To fight. Se battre. Shared. Partager. Wealth. Les richesses. The people. Le peuple. To fight. Se battre. Clergy. Le clergé. Weapon. L'arme. The people. Le peuple. To join. Rejoindre. Revolution. La révolution. Weapon. L'arme. To put an end to. Mettre fin à. Weapon. L'arme. Now, use the words in context. Le citoyen. Every citizen of the French Republic is a citizen of the European Union. Tout citoyen de la République française est citoyen de l'Union européenne. Mettre fin. I just stopped my telephone service. Je viens de mettre fin à mon abonnement téléphonique. Les richesses. Accumulating wealth makes her happy. Amasser des richesses la rend heureuse. Rejoindre. She decided to leave everything behind to join him in Bangkok. Elle a décidé de tout quitter pour le rejoindre à Bangkok. Se battre. I hate fighting. Je déteste me battre. Mettre fin. I just stopped my telephone service. Je viens de mettre fin à mon abonnement téléphonique. Les richesses. Accumulating wealth makes her happy. Amasser des richesses la rend heureuse. Rejoindre. She decided to leave everything behind to join him in Bangkok. Elle a décidé de tout quitter pour le rejoindre à Bangkok. Se battre. I hate fighting. Je déteste me battre.